2. Le désespoir de la vieille. La petite vieille ratatinée se sentit toute réjouie en voyant ce joli enfant à qui chacun faisait fête, à qui tout le monde voulait plaire. Ce joli être, si fragile comme elle, la petite vieille, et, comme elle aussi, sans dents et sans cheveux. Elle s'approcha de lui, voulant lui faire des risettes et des mines agréables. Mais l'enfant épouvanté se débattait sous les caresses de la bonne femme décrépite et remplissait la maison de ses glapissements. Alors, la bonne vieille se retira dans sa solitude éternelle et elle pleurait dans un coin, se disant « Ah, pour nous, malheureuses vieilles femelles, l'âge est passé de plaire, même aux innocents, et nous faisons horreur aux petits-enfants que nous voulons aimer. »